donc un peu les filles. Allez, marquez ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue dans l'émission Johnny 2 à Z, ici sur RIG, le mercredi de 22h jusqu'à minuit. Je suis très heureux de vous retrouver, comme tous les mercredis soirs, pour vous proposer cette semaine un album de la semaine. Et l'album de la semaine, en l'occurrence, est Entre violence et violon, qui est sorti en 1983. Je vais vous le faire découvrir, mais pas que. On aura aussi Johnny Hallyday qui va faire sa petite promotion au cours de cette émission, sur RTL, par exemple, dans l'émission de Fabrice, dans Casino Parade, ou encore sur RMC. Dans l'émission WAP de WAP. On en reparlera ultérieurement. Revenons à l'album de la semaine qui s'intitule donc Entre violence et violon, qui est sorti le 9 septembre 1983. Encouragé par Eddie Mitchell, qui préconise une collaboration avec Charlie Talent. Johnny travaille de nouveau à Nashville. Pierre Billon à la réalisation, Eric Boide aux arrangements et Eric Bamy au cœur et tant d'autres choses aussi sont du voyage. Reggie Young, Dale Sellers, Charlie McCoy, Russ Hicks, Pete Robbins, Carl Koredeski, oui, Mike Leash, Kenny Buttray, oui, tous musiciens légendaires sont recrutés sur place. Cuivre, cordes et chœurs seront ajoutés. Le studio utilisé par Johnny a été créé en 1969 par Jack Clement, ancien ingénieur et directeur artistique du label Sun, collaborateur de Johnny Cash, Jerry Lewis et tant d'autres. Le Jack Lemmon Recording Studio, vendu en 1979, est devenu Sound Emporium. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est d'écouter l'album de la semaine, mais on va l'écouter dans des émissions de promotion. Mais on va écouter quelques titres que Johnny n'a pas interprétés lors de ses émissions, comme par exemple le titre Signe extérieur de richesse, qui a mis en contribution les talents conjugués de Johnny, Eric Boide, Pierre Billon, Claude Lemel, parolier bien connu. Curieusement, alors que le reste de la musique n'est pas d'une originalité flagrante, le passage du pont instrumental est lui d'une sophistication surprenante. Les paroles se moquent des hypocrisies pour qui l'argent serait un tabou. Du moins, c'est ce que l'on croit comprendre. On écoute tout de suite Signe extérieur de richesse sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny 2 à Z. Ben écoutez, bonne soirée à toutes et à tous. Bonne écoute. Ça m'a mis la puce à l'oreille, l'anneau que j'y avais pendu. Priez un peu trop au soleil et ce qui brille est défendu. Je pense que dans mes disques, ma voix vibre sous un diamant. Je me dis que je prends des risques d'or, évidemment. Depuis que le silence est d'or, elle est pour cracheurs de discours, tous les jeteurs de poudre aux gens. Faudra bien qu'ils payent à leur tour, puisque la parole est d'argent. Signe extérieur et de richesse, dû avoir du piston. Et tout se paye heureusement. Et quitte à vous paraître snob, je vais gagner beaucoup d'argent et mourir pauvre, pauvre comme Job. Signe extérieur de richesse. Signe extérieur de santé. Écoutez, ériger la radio de Junaïdi. Mais Thierry, mais qu'est-ce que tu fais, Thierry? Il va falloir que je coupe un peu ça au montage. Mon fin. Il est en train de détruire le studio complètement. À l'instant, signe extérieur de richesse. On va retrouver Junaïdi qui fait sa petite promotion pour l'album Entre violence et violon. C'était le 10 octobre 1983 au théâtre Montparnasse sur la radio RTL. Et c'était présenté par Fabrice. Johnny a interprété quelques titres de cet album-là en live. Sauf un seul titre, qu'on écoutera la version studio. Au théâtre Montparnasse à Paris, Johnny a choisi RTL pour sa rentrée sur

enfants. J'allais au bout de ma rue comme au bout de ma vie. Et j'avais tout connu sans avoir rien à l'appris. Mitchell pour le duo sont mes 16 ans, extrait de l'émission Champs-Élysées qui datait 5 jours après l'émission avec Fabrice sur RTL, c'était le 15 octobre 1983. Hey! souvenirs et des clichés qui n'arrivent pas à mourir. Champs-Élysées, le 15 octobre 1983. Donc, nous sommes en 1983 et Johnny devant entrer à l'hôpital Cochin se faire opérer de la hanche. Exceptionnellement, la tournée d'été est courte. À la rentrée, la pochette en noir et blanc du nouvel album annonce la couleur, si l'on peut dire. Fini le bariolage, voici un portrait soigné par Jean-Baptiste Mondino du chanteur, vu de profil, en t-shirt noir et blouson de cuir. C'est le symbole d'un nouveau retour salutaire aux racines. À Nashville, en l'occurrence, où Johnny travaillait déjà 20 ans auparavant. Et là, ouf, les synthétiseurs laissent la place aux guitares électriques. Entre violence et violon, donne son titre à l'ensemble. La formule rappelle la fameuse chanson Douce aux violences. Elle définit le personnage de l'artiste entre passion et patience, aussi doué pour aimer que pour se battre. Et un tirage en maxi est destiné au disque jockey sur le titre L'amour violent, il me semble. Voilà, c'est bien ça. Tiens, en extrait, on va vous donner un extrait qui n'a pas été interprété par Johnny Hallyday à la radio, au moins en promotion. C'est le titre Mary Mary ou Marie Marie comme vous voulez. Hein. Vous écoutez RIG et l'émission Johnny de A à Z le mercredi de 22h à minuit. 4h du matin, pluvieux et froid. Je suis sur sa trace depuis des mois. Un indicateur de la ville basse m'a dit qu'elle bossait au Casablanca Palace. Qu'est-ce que tu me fais? J'suis rien qu'un privé paumé qui s'est trop privé d'aimer. Oh Mary, Mary, on m'a payé pour te piéger. 5h du matin devant l'hôtel, un bruit, je me retourne un chat sort d'une poubelle. Une chambre allumée en dessous des toits, des clairs blonds qui passent derrière le sol, c'est toi. Ah oui, Mary, Mary, qu'est-ce que je fais? Mary, Mary, qu'est-ce que tu me fais? J'suis qu'un privé mal rasé, j'en ai trop vu, j'suis blasé. Oh Mary, Mary, on m'a payé pour te piéger. Est-ce qu'il est vraiment tombé dans la rivière? Oh! Celui qui t'avait filé l'année dernière. Oh! Qu'est-ce que je fais? Oh Mary, Mary, qu'est-ce que tu me fais? Je suis rien qu'un privé paumé qui s'est trop privé d'aimer. Oh Mary, Mary, on m'a payé pour te piéger. 5h, 5 escaliers d'incendie. Je grimpe au bar, aucun néon rougit. Même pas le temps de voir la lame du couteau. Et c'est comme une morsure de la nuit dans le dos. Mary, Mary, qu'est-ce que tu me fais? Mary, Mary, qu'est-ce que je t'ai fait? J'étais qu'un privé paumé qui s'est trop privé d'aimer. Oh Mary, Mary, qui t'a payé pour me piéger? J'étais qu'un privé paumé qui s'est trop privé d'aimer. Oh Mary, Mary, qui t'a payé pour me piéger? J'étais qu'un privé paumé qui s'est trop privé d'aimer. Oh Mary, Mary, qui t'a payé pour me piéger? Oh Mary, qui t'a payé pour me piéger? Ouais. Hey, Mary. Salut, c'est Johnny. Johnny.

12 composent l'album Drôle de métier, 6 autres sont enregistrées en anglais et sont donc diffusées sur l'album en version originale. Quant aux 10 restantes, elles restent inédites jusqu'en 1993, date de la sortie de l'intégrale du chanteur, donc sous forme de guitare. Et initialement prévue pour l'album, cette chanson sur 10 restées inédites sont pour la première fois diffusées, donc sur aussi sur la guitare. Et les 3 restantes étaient à l'origine prévues pour l'album Drôle du métier. On va écouter parmi les 7, on va en écouter 6. Il y aura Je te ferai danser. Et pour commencer, Un jour en haut. Et voilà. Attends. en bas, comme au bord du chaos. Il vous met à genoux, il peut vous rendre fou. La vie c'est comme une balançoire, avec ses hauts, avec ses bas. On est chacun ses jours de gloire, des jours où rien ne va, non. Un jour on est en haut, et un jour on est en bas. Voilà, donc on comprend pourquoi ces chansons restèrent inédites pendant près de 10 ans. Surtout pour les deux suivantes, Chérie, donne-moi du Chili et J'ai perdu la tête. Mais bon, on sait bien que Johnny, il se donne à fond quand il chante n'importe quel titre. Chili, oui, fais le fort, oui, comme je veux. Oh, oh, ma chérie, fais-moi le chili, et je t'en prie, mets-moi le feu. Les larmes au ciel, l'estomac bleu. Regarde, j'ai les chaussures qui fuient, je ne crains plus les rues, sauf le bitume. Et tant pis si le feu grandit, oui, au soleil de ton baiser, moi j'aime assez. Oh chérie, fais-moi du chili, on met le couvert de l'enfer. Oh ma chérie, fais-moi du chili, envoie la flèche, allume la mèche. Le genre mexique, moi ça m'excite. Toi mes papilles sous tes talons, fais-moi le coup du piment poivre, je suis ton dragon. La folie me guette. amis qui ne comprend jamais rien me disent par contre Johnny, pour un pays lointain, j'ai perdu la terre. Oh mon Dieu, quelle est bête. J'ai cru qu'à rien compris, on reste ici. J'ai perdu la tête. J'ai perdu la tête. Oh la folie me guette. J'ai perdu la tête. La folie me guette. Oh là, je n'en peux plus, je vous le dis. J'ai perdu la tête. On ira demain chez ton vieux parrain, la vie côté trop momentan, qui va nous raconter encore sa guerre dans l'étranger. Je suis comme un animal piégé qui traduit l'envie de tout casser. Oh, j'ai perdu la tête, je marche sous mes chaussettes. Quand j'entends ce que j'entends, je marche que je vois, la folie me guette. J'ai envie de faire, si on ne veut pas craquer quand on va de travers. J'ai perdu la tête, je marche sur mes chaussettes. Quand j'entends ce que j'entends, je vois ce que je vois, la folie me guette. Oh, j'ai perdu la tête, la folie me guette. J'ai perdu la tête, la folie me guette. Oh là, je n'en peux plus, je vous le dis, j'ai perdu la tête. Oh là, je n'en peux plus, je vous le dis, j'ai perdu la tête. Oh là, je n'en peux plus, je vous le dis, j'ai perdu la tête, j'ai perdu la tête, j'ai perdu la tête, la folie me guette. Ouais, mais bon, parmi ces dix titres restés inédits, du moins les sept qui figurent depuis 1993 sur l'album, avec du moins l'album Entre violence et violon, il y a quand même deux titres que Pierre Billon a réussi, du moins, à en faire l'adaptation. C'est le titre Peut-être bien, Maybe Baby de Buddy Holly, et aussi le titre Stand By Me, soi-disant Reste ici, enfin du moins Reste ici de Benny King. On les écoute toutes les deux, et après on va arriver à l'interview de Johnny Hallyday qu'il avait accordée à la radio RMC. Peut-être bien après tout, peut-être bien qu'on est fou, peut-être bien qu'on a tout compris. Que requin, ni agneau, ni danseur mondain, ni macho. Peut-être bien que je t'ai dans la peau. Quand on s'est connu, j'avais vu bien des filles. De l'amour en mop à l'amour courte ville. Tu m'as mis d'accord en accordant mes nerfs. Depuis tu me possèdes comme vous possède un air. Peut-être bien que tu joues, peut-être bien, mais je m'en fous. Peut-être bien que je joue aussi. J'avais vu bien des filles. De l'amour en mop à l'amour coupe de ville. Oui, tu m'as mis d'accord en accordant mes nerfs. Depuis tu me possèdes comme vous possède un air. Peut-être bien après tout. Peut-être bien qu'on est fou. Peut-être bien qu'on a tout compris. Peut-être bien, oh, oh, oh, oh. Peut-être bien, oh, oh, oh, oh. Peut-être bien qu'on a tout compris. Peut-être bien, oh, oh, oh, oh. Peut-être bien, oh, oh, oh, oh. Peut-être bien qu'on a tout compris. Quand la nuit revient comme un voile sombre et tendre. comprendre quand ton corps vient s'étendre. Je suis bien. Je ne crains plus rien. J'ai mon cœur sur tes mains. Je te crie, oui, dans la nuit. De titre peut-être bien Reste ici était correct, elle ne pouvait pas figurer dans l'album Entre violence et violon, et c'est ainsi corrigé dans l'intégrale sortie en 1993, donc Johnny Hallyday, collection de Johnny Hallyday, ou soi-disant dit la guitare. On va retrouver maintenant Johnny Hallyday lors d'une interview dans l'émission Wap du Wap sur RMC, c'était le 29 juillet du 83 sur RMC, et le concert, ben justement le concert de Fréjus, c'était le 19 juillet. Sauf qu'on va pas écouter des extraits du concert de Fréjus, mais des extraits du concert de Saint-Servant qui était, Johnny y avait chanté le 9 juillet 1983. On y va, Wap du Wap, Johnny Hallyday sur RIG. Johnny Hallyday, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Wap du Wap, ce type de émission. Je te vois, c'est une nouvelle jeunesse ou quoi? Quoi? T'es différent des images de Johnny Hallyday qu'on avait depuis quelque temps, quoi. T'es mince, bien foutu, quoi. Oh, ben non, je ne sais pas, moi, il y a des époques dans la vie où on change. Ouais. Et là, t'es dans une période bleue? Oh, là, je suis dans une bonne période, là. Ouais. Ouais. Et évidemment, il va nous interpréter des titres de son album qui n'est pas encore sorti. Je le dédie tout spécialement à tous ceux. Mais le titre que nous allons écouter est sorti juste avant. Il était sorti le 6 juin 1983 sur SM. Toujours pour deux. Ceux qui savent. chansons à ton répertoire, une signée Bill Doerheim, l'autre adaptée de Bob Seger. Bill Doerheim, c'est la première collaboration avec ce bluesman français. Bill Doerheim, ça fait longtemps que je connais Bill Doerheim en tant qu'interprète et en tant qu'ami, puisque c'est un ami à moi. Et puis avant de partir à Nashville, j'ai été voir son concert qu'il avait donné à l'Olympia à Paris. Et puis j'avais entendu cette chanson, Laisse-moi une chance, qui m'avait plu, et puis j'ai décidé de l'enregistrer à Nashville. C'est pas une chanson qu'il a écrite pour moi, c'est une chanson qui est d'ailleurs sortie sur un de ses albums. Ouais. Donc ce n'est pas une création pour moi, c'est une chanson que j'ai prise de son répertoire à lui, et que j'ai adapté à moi, enfin pour moi, dans un enregistrement de Nashville. C'est une chanson qui sortira qu'en septembre. Ouais. Puisque mon album de Nashville ne sortira qu'en septembre. Dis-moi, de voir arriver des gens comme Bill Doerheim, quel effet ça te fait en France, en particulier en France, qui a été un pays si fermé, t'es quand même un exemple de quelqu'un qui s'est pas mal battu pour imposer un style de musique. Oui, moi je suis ravi qu'il y en ait de plus en plus comme Bill Doerheim, qu'il y en ait de plus en plus comme Téléphone, qu'il y en ait de plus en plus comme moi ou comme Eddie Mitchell, je suis ravi. Ouais. Je suis ravi. Je n'en cite que quatre, mais je veux dire, je n'oublie pas les autres. Qu'il y en ait de plus en plus, je trouve que c'est bien. Donc plus il y en aura, moi plus je suis content. J'espère qu'il y en aura encore plein d'autres. Tu penses pouvoir les aider un jour, à les produire, à les aider un peu à arriver là où ils sont? Vous savez, je crois qu'on ne peut aider personne. Je crois qu'on ne peut s'aider que soi-même. Je crois que c'est un facteur de chance. Je veux dire, on peut produire 50 personnes, si le public ne les accepte pas, ça ne marchera pas. Personne ne peut aider personne. Je crois que c'est le public qui décide, c'est le public qui achète les disques, c'est le public qui vient, qui achète des places de spectacle et qui vient voir un spectacle. On ne peut aider personne. Ou un artiste, il a quelque chose qui plaît, ou il n'a pas la chose qui plaît, c'est tout. Mais on ne peut pas faire grand chose contre ça. Et illustration, on va écouter une fois de plus. Un doublon de plus dans cette émission Angélique de A à Z, spécial album entre violence et violon. Johnny nous interprétait à sa servant. Laisse-moi une chance. Nous aimerions vous chanter maintenant. C'est une chanson qui va sortir sur mon album de septembre. Je veux être l'ange, tu t'en rends. Nashville, tu parlais d'époque tout à l'heure, ça correspond à quelle époque Nashville? Aller à Nashville en 1983, on a l'impression que ça a été une ville qui a été pas mal utilisée par les musiciens français jusqu'à présent. Bon, elle n'est pas utilisée que par les musiciens français, elle est utilisée par les musiciens du monde entier. Nashville est la ville la plus productive au point de vue country music surtout. Car il ne faut pas oublier que Nashville est produit à 70% la majeure partie du country. Ouais. Puisque Dolly Parton, Johnny Cash, tous les chanteurs de country enregistrent à Nashville. Les country en plus vient de Nashville. Ensuite, ça a démarré dans le rock'n'roll d'abord par le rockabilly. Donc Elvis Presley, Jerry Lewis à l'époque où Elvis Presley chantait en trio et où il a enregistré sa première maison de disques sur Sun Records, qui est une maison typiquement du Sud. Tu nous fais le numéro de souvenir là. non mais vous me demandez, alors je vous dis. Et puis ensuite elle est devenue légendaire pour le rock'n'roll. Tous les chanteurs et musiciens de rock'n'roll sont venus enregistrer à Nashville, et ça depuis maintenant plus de 25 ans. Ouais. Gene Vincent, tout le monde a enregistré à Nashville. Et même les Italiens, je parle du groupe Toto, je parle tout le monde va pour ainsi dire enregistrer à Nashville. Et pourquoi Nashville? Bon, parce que je pense que là-bas il y a les meilleurs musiciens spécialisés dans le rock'n'roll, et que finalement si on veut avoir vraiment un son comme on a envie d'avoir, il faut aller à Nashville. C'est pas une question de snobisme, ouais, d'aller à Nashville, c'est une question vraiment d'avoir le son. Si évidemment c'est pour enregistrer des chansons dans le style, dans l'esprit de certaines chansons, par exemple comme moi j'ai enregistré aussi comme Derrière l'amour, ce n'est pas la peine d'aller à Nashville. On enregistre aussi bien en France, on enregistre aussi bien en Italie, c'est pas la peine. Mais si on veut faire du rock'n'roll, il vaut mieux aller à Nashville. Lorsqu'on s'appelle Johnny Hallyday, qu'on débarque dans un studio de Nashville, on est pris comme Johnny Hallyday ou comme un musicien comme un autre? C'est-à-dire que moi, Nashville, il y a deux Français qui sont vraiment assez connus à Nashville, c'est Eddie Mitchell et moi, parce que ça fait longtemps qu'on y va et que les musiciens nous connaissent. D'ailleurs, il y a pas mal de musiciens qui sont venus d'ailleurs faire des tournées avec nous, notamment avec Eddie Mitchell, il n'y a pas plus de trois ans, il avait fait l'Olympia, il avait fait ensuite une tournée en France avec Charlie McCoy qui dirigeait les musiciens de Nashville, donc ils nous connaissent quand même. Et ça facilite quand même les choses, parce qu'on n'a pas besoin de leur expliquer pendant des heures ce qu'on veut, ils nous connaissent assez bien pour savoir tout de suite ce qu'on a besoin. Ouais. T'es arrivé là-bas avec ton répertoire et tu voyais déjà comment tu voulais tes chansons? Donc, la première fois que j'ai enregistré à Nashville, c'était en 1962. Ouais. Mais là, cette fois-ci, tu es arrivé avec un répertoire bien... Je suis arrivé avec une grande partie de mon répertoire, et nous avons travaillé, nous avons trouvé des chansons, et nous avons créé des chansons sur place. Ouais. Ça veut dire que le prochain spectacle de Johnny Hallyday sera... style Nashville, country music? Nashvillois, non, country music, non, pas tellement, non, plutôt rock, rock, country rock. Et tu auras des musiciens de Nashville avec toi? Je ne sais pas encore, non, moi je suis assez content des musiciens que j'ai entendus. Et là on va découvrir en 1983 le titre et l'adaptation de Bob Seger, Monty Lou, que Johnny avait rajouté dans son répertoire de cette tournée d'été 1983. Et on sait très bien que Monty Lou, on entendra à l'antenne ou à la rigueur à la voir en 45 tours sur album qu'en février 1984. Thank you. que Johnny avait déjà enregistré en 1983, Mon Petit Loup. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Toujours à Servant, 1983, le 9 juillet 83. Vous allez me dire, est-ce que vous connaissez la version de La Musique que J'aime de 1983? Non ? Eh bien, la voici tout de suite dans l'émission Johnny de A à Z. Thank you. sur cette émission Johnny de A à Z avec l'album de la semaine Entre violence et violon. J'espère que cette émission vous aura plu et que vous avez pu découvrir peut-être des documents sonores que vous ne connaissiez pas auparavant. Merci encore à toutes d'avoir écouté ça et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Johnny de A à Z ici sur RIG dès 22h. À bientôt à toutes et à tous. Ciao ciao.